Chers auditeurs, bienvenue dans cette émission spéciale sur la santé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une grande importance, l'accident vasculaire cérébral, AVC. L'AVC est l'une des principales causes de décès et de handicap dans le monde, y compris le Burundi. Et cependant, beaucoup de personnes ignorent encore ce qu'est un AVC et comment il se manifeste et surtout comment le prévenir. Et pour en parler en profondeur, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui un expert en santé. Nous accueillons le docteur Nestor Nsengeyumva, spécialiste en neurologie et qui va nous éclairer sur ce sujet est crucial. Docteur Nestor, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir invité. Et à la cabine technique, vous êtes avec Séraphine Hakidimana et Jérôme Ndaishimiye. Et à l'animation, vous êtes avec médiatrice Ndikumana. Bienvenue. Docteur, pour commencer, vous pouvez nous expliquer à propos de cette maladie et qu'est-ce qu'un AVC? Voilà, un AVC, c'est l'abréviation, ça veut dire accident vasculaire cérébral. Et ça n'a rien à voir avec un accident de la route, mais c'est par contre un accident des vaisseaux. C'est un problème des vaisseaux dans lequel un vaisseau sanguin qui alimente une partie quelconque du cerveau est obstrué ou bouché ou au contraire est brisé ou assaigné. Et alors, lorsque cela arrive, la partie qui est concernée dans le cerveau, et cette partie ne sera plus capable de contrôler la partie du corps que cette partie contrôlait. Donc, pour rappel, toute partie du corps vraiment a besoin des contrôles qui vient du cerveau. Pour soulever ma main, pour marcher, pour parler, et pour ouvrir et fermer les yeux, j'ai besoin de l'intervention du cerveau. Si une partie quelconque du cerveau qui contrôlait telle fonction ne reçoit pas le sang, parce que le vaisseau sanguin qui amène le sang dans cette partie est obstrué ou bien donc ça s'est écrasé, alors cette partie ne va plus fonctionner. C'est ça qu'on appelle accident vasculaire cérébral. Cela semble assez grave. Et quelles sont les conséquences de l'AVC sur le corps humain? Sur le corps humain, donc c'est-à-dire que si vous développez l'AVC, vous ne serez plus capable, disons, de contrôler votre main et votre jambe, le plus ça sera un déficit ou bien une perte de fonction et d'anémie corps, d'une partie du corps. Vous ne serez plus capable de parler, soit difficile de faire sortir les mots, ou bien soit difficile de comprendre ce que vous dites ou bien ce que d'autres personnes vous disent, ou bien difficile de contrôler votre capacité d'avaler. Et vous comprenez que là vient l'une des complications des AVC qui est un problème d'inhalation. Inhalation signifie, c'est lorsque les choses qui devraient aller dans le tube digestif, dans l'appareil digestif, nos aliments, y compris même la salive, par exemple, vont dans les voies respiratoires. Et alors, là, on développe des complications qui sont liées à cette inhalation et des bactéries qui sont naturellement dans notre organisme vont en profiter pour se multiplier et causer des dégâts. Voilà. Et on développe alors ce qu'on appelle pneumonie d'inhalation. Pas nécessairement les bactéries qui nous habitaient, mais vous comprenez que, par exemple, dans ce que nous mangeons, il y a des microbes. Et ces microbes, il y a des systèmes qui sont appropriés pour les tuer dans le tube digestif, par exemple. Imaginez alors, les choses qui devraient être dans le tube digestif vont dans le tube respiratoire. Comprenez qu'il peut y avoir donc intérêt qui favorise alors des infections ou bien d'autres problèmes liés à la respiration. Par ailleurs, c'est l'une des causes de la mort chez les gens qui ont fait un AVC, ces problèmes liés aux voies respiratoires. Et quelles sont les causes? Alors, les causes principales, ce sont des choses que nous sommes capables de contrôler, mais que malheureusement, nous ne contrôlons pas. La première chose, c'est l'insuffisance du sommeil. C'est plutôt des nouvelles découvertes qui ont montré que l'insuffisance du sommeil, ça va causer des transformations au niveau des vaisseaux, ça va contribuer dans le développement du diabète, ça va contribuer dans le développement de l'hypertension, et voilà alors, bonjour l'AVC. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de cas d'AVC si vous comparez à ce qu'on voyait avant. Et je me dis aux gens que, on connaît avec les nouvelles valeurs que nous avons, les nouvelles informations que nous avons, les nouveaux chiffres que nous avons, une personne sur quatre parmi les gens qui sont âgés de 25 ans et plus va développer un AVC quelque part dans sa vie. Alors, vous comprenez pourquoi, alors que dans le temps, chez nos ancêtres, les gens vivaient longtemps vraiment, c'est parce que la question que vous allez bien sûr poser, ils dormaient à quelle heure, ils dormaient à temps. Okay, ils mangeaient quoi? Ils mangeaient des choses qui sont équilibrées. Là, vous comprenez, l'alimentation qui n'est pas saine, qui est riche en graisse, qui est riche en sel, voilà, qui est pauvre en fruits, légumes, en vitamines, ça va favoriser l'AVC. Alors, j'ai déjà parlé du sommeil, l'inactivité physique, ok, sédentarité, ça va favoriser l'AVC. Alors, dans l'alimentation, l'alcool, on ne peut pas vraiment oublier l'alcool. Alors, le tabagisme, alors, toutes ces choses-là, ils vont favoriser ce qu'on appelle un problème du sucre. Donc, le métabolisme du sucre va être altéré. Vous allez développer un diabète. Alors, le problème de la tension, ça c'est l'hypertension, et un problème d'équilibre des lipides, ce qu'on appelle dyslipidémie. Alors, si vous avez ces choses-là, bonjour, l'AVC à n'importe quel moment. Voilà, c'est principalement cela. Et toutes les personnes qui ont l'AVC développent les mêmes symptômes? Pas les mêmes symptômes. Alors, il y en a qui perdent subitement, de manière soudaine, et la conscience, perdent la conscience jusqu'au coma. D'autres commencent par des maux de tête intenses. Par ailleurs, dans la catégorie de ce qu'il faut un AVC, ce qu'on appelle AVC hémorragique, lorsque donc vous saignez dans une partie du cerveau, la majorité de ces personnes développent des maux de tête intenses ou développent des troubles de la conscience. Alors, donc, des maux de tête qui sont insupportable, du jamais vu, intense, qui s'y viennent brutalement, ça doit faire penser à un AVC, essentiellement l'AVC hémorragique. Alors, une perte brutale de la conscience, ça va faire penser à un AVC. Alors, l'autre catégorie, surtout ceux qui font un AVC ischémique, mais il est toujours difficile de les distinguer, sauf sur le scanner, mais d'une manière générale, ceux qui font un AVC ischémique, d'une manière générale, font alors un déficit moteur. Il se lève et que la force n'est pas suffisante dans son bras ou dans sa jambe, où il est incapable de parler. Il y a d'ailleurs une mnémonique qu'on appelle FAST, que les Américains et les anglophones ont développé pour dire FACE. Donc, il y a une déviation de la bouche. AM, pour dire qu'il y a perte de force dans le bras, même si ce n'est pas seulement dans le bras. Le plus souvent, c'est même tous les mi-corps, donc le bras et la jambe. S, c'est speech, donc le langage est altéré. Et le T, donc la FAST, si vous voyez ce signe-là, il faut appeler l'ambulance ou bien il faut prendre le taxi si on est au Burundi ou bien il faut se précipiter à l'hôpital. Voilà. Docteur, est-ce qu'il existe des signes avant-coureurs, des AVC qui pourraient alerter une personne? Malheureusement, le plus souvent, non. Sauf dans des cas rares, les gens font ce qu'on peut appeler un précurseur de l'AVC, ce qu'on appelle AIT, attaque ischémique transitoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous développez les mêmes signes comme dans un AVC. Je dois aussi signaler la perte de la vie. La perte de la vision, c'est l'une des manifestations de l'AVC. Donc, une perte brutale de la vision, ça peut ne pas être une perte totale, mais une vision qui est floue. Donc, de devenir aussi brutale. Donc, ces gens-là, si vous développez ces signes-là, donc vous perdez brutalement la vision ou bien la force dans une partie du corps. Et puis, ces fonctions reviennent, vous récupérez dans moins de 24 heures. Le plus souvent, ça sera dans quelques minutes, dans quelques heures. Là, donc vous avez fait presque les mêmes signes de l'AVC, mais au lieu que ces signes persistent, vous récupérez complètement dans moins de 24 heures d'une manière générale. Le plus souvent, c'est dans quelques minutes, quelques heures. Là, on dit que vous avez fait, non pas l'AVC, mais l'AIT, accident ou attaque ischémique transitoire. Voilà. Et c'est dans ce cas-là, là, vous avez eu un précurseur. Ça signifie que c'est une annonce que vous pouvez développer l'AVC cette fois-ci, permanent, qui va être permanent à n'importe quel moment. Mais dans la majorité des cas, vous vous levez, vous êtes paralysé. Ou bien, vous êtes dans l'église, vous tombez, vous perdez connaissance. Ou bien, vous êtes un enseignant, vous êtes en train d'écrire, votre crayon tombe, donc il n'y a plus de force. Voilà, c'est quelque chose qui survient de manière soudaine. Voilà. Docteur, est-ce que l'alimentation et l'activité physique jouent-elles un rôle très, très, très important très, très important. Dans la prévention de l'AVC? Très, très, très, très important. important. C'est cela, par ailleurs, comme je l'ai dit avant, qui justifie pourquoi maintenant nous avons beaucoup de cas des AVC, y compris chez les jeunes. Donc, si on compare à ce qu'on avait avant, si on fait une comparaison, et nos ancêtres vivaient longtemps, mais maintenant, vraiment, on voit beaucoup de cas d'AVC. Donc, une alimentation qui n'est pas saine, sommeil insuffisant. Là, on doit ajouter aussi les consommations de l'alcool, ok, des choses comme ça. Alors, une vie qui est sédentaire, manque d'exercice physique, voilà. Et les gens pensent qu'il faut de l'exercice physique, par exemple, à Bujumbura, alors qu'ils vont monter à Kiliri, ils vont faire une activité physique rigoureuse, mais une fois la semaine, deux fois la semaine, ou bien le week-end seulement. Alors, l'activité physique qui est bénéfique pour la santé, voici la définition. C'est pas ma définition, c'est la définition de l'OMS, c'est la définition universelle. C'est toute activité physique que vous faites régulièrement, pour dire chaque jour, si c'est pas chaque jour, après chaque jour, d'intensité maximale tolérable. Si je vous demande, qu'est-ce que ça veut dire? Intensité maximale tolérable. Donc, vous êtes en train de suer, mais quand même aussi, vous ne souffrez pas beaucoup. Si je vous demande, médiatrice, comment, vous ne dites pas... Non, vous êtes capable quand même de prononcer une phrase, et voilà, ça c'est tolérable pour vous. Les gens me demandent, quel sport dois-je faire? N'importe quelle activité physique de votre maximum. Et les gens me demandent, docteur, si je fais la marche, ça va? Je dis, si vous faites la marche, vous êtes un vieux âgé de 90 ans, okay, 90 ans, ça va. Parce que cette activité sera équivalente à moi en train de courir et monter vers Kiriri. Vous comprenez? Ouais. Donc, ça dépend. Le mot clé, d'intensité maximale tolérable. Si la marche est votre maximum, alors la marche, ça va. Mais je doute si vous êtes âgé de 25 à 40, la marche n'est pas votre maximum. Pour nous, les jeunes, nous devons courir. Exactement. Et vous nous avez dit qu'il y a ceux qui perdent connaissance soudainement. Et dans ce cas, que faut-il faire immédiatement si on constate que cette personne fait un AVC? Voilà. Alors, il faut, d'une manière générale, les gens qui perdent connaissance, alors la position, la manière dont les positionner, c'est très très importante. Pour éviter que ces gens-là fassent ce qu'on appelle l'inhalation, il faut les allonger sur le côté, non pas comme ça, mais sur le côté. Ça, c'est par exemple l'une des choses. Alors, il faut rien donner par la bouche. Parce que si vous donnez à boire ou à manger, alors cette personne va développer ce qu'on appelle inhalation. Elle va avaler à travers. Au lieu que ses aliments, ses boissons aillent dans le tube digestif, bon, mais désolé, ça va aller dans les voies respiratoires et ça va causer des problèmes qui peuvent être fatales. Et oui. Alors, il faut se précipiter, il faut le transporter vraiment à l'hôpital pour qu'on puisse l'aider. Même si c'est un hôpital qui n'a pas de scanner, qui n'a pas de neurologue, il faut l'amener là-bas parce qu'il y a certaines choses qui sont corrigeables, qu'on peut corriger. Voilà. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Et si vous nous rejoignez en ce moment, nous parlons aujourd'hui d'un sujet essentiel, l'accident vasculaire cérébral ou AVC. C'est une urgence médicale qui survit lorsqu'il y a une interruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau. Cela a pu entraîner des conséquences graves si l'on ne réagit pas rapidement. Et nous abordons les signes à surveiller, les facteurs de risque et les moyens de prévention. Et nous avons aussi un invité, Dr Nestor Senguiyumva, spécialiste en neurologie, et pour vous expliquer tout cela en détail. Restez avec nous, c'est un sujet qui touche tout le monde et il est important de savoir quoi faire en cas d'AVC. Oui. Et pourquoi se précipiter pour amener cette personne à l'hôpital? Pourquoi est-il important de réagir rapidement lorsqu'un AVC est suspecté? Oui, il est important de réagir très rapidement parce que d'abord, il faut savoir que le plus souvent, c'est pas même l'AVC qui tue, l'AVC en soi, mais c'est par contre ce qui suit. Donc, les choses qui suivent l'AVC. Et la majorité de ces choses sont réversibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Sont corrigeables. Alors, la tension, le plus souvent, ça augmente de manière incontrôlée. Là, on doit la contrôler, la tension artérielle. Alors, il y a le sucre qui devient dérangé, perturbé. Là, il faut contrôler. Alors, il y a d'autres choses, d'autres équilibres, ce qu'on appelle l'équilibre hydroélectrolytique, donc les électrolytes, l'eau, ok, nous devenons déshydratés. Et l'apport hydrique, vous comprenez que l'apport hydrique aussi est artère. Là, il faut réhydrater la personne. Les iodes, ce qu'on appelle des iodes, ce qui va avec l'eau aussi, c'est pour ça qu'on appelle l'équilibre hydrosodé. Donc, hydro pour dire l'eau, sur des autres ions comme le sodium, ils sont dérangés. Là, il faut les contrôler. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui deviennent perturbées, qu'il faut alors contrôler et rendre normal pour que ça ne cause pas la mort. Mm-hmm. Oui. Et quelles sont les répercussions possibles de l'AVC sur la santé mentale et le bien-être psychologique des patients? Alors, l'une des complications, d'abord, si le plat psychosocial, un plat d'ailleurs qui a tendance à être oublié, c'est que la personne qui fait un AVC va malheureusement se voir exclue des activités, exclue du monde d'emploi. Là, je vais en profiter pour lancer un appel aux employeurs que si une personne fait un AVC, mais il ne faut pas l'exclure des travailleurs, des employés. Il faut par contre voir quel est cet autre travail que la personne peut faire au lieu de l'exclure du monde d'emploi. Mm-hmm. Voilà. Ça veut dire que si la personne est renvoyée du travail à cause de cette maladie, c'est très incorrect. Ça peut aussi lui donner des autres complications. Ça va augmenter son mental. Son estime de soi sera dédoublement affectée. Voilà. Donc il y a l'AVC, mais il y a encore l'exclusion du monde de travail. Ça va l'affecter évidemment davantage. Mm-hmm. Est-ce que l'AVC est lié également à des antécédents familiaux? Oui, si dans votre famille, il y a quelqu'un qui a fait ou bien qui fait un AVC, par rapport aux autres personnes, tu deviens à risque. Mais est très important ici. Mm-hmm. Cela ne signifie pas que l'AVC est d'origine génétique. Mm-hmm. C'est multifactoriel. Mais la majorité des choses qui causent l'AVC, c'est vraiment nos habitudes de vie. D'accord. Oui, c'est les choses que nous pouvons contrôler, que nous avons bien discutées, que nous pouvons contrôler. Et docteur, quels sont les groupes des personnes qui sont les plus vulnérables de cette maladie? Je ne dirais pas vraiment. Il y a tentation de dire que l'âge, oui, l'âge est l'un des facteurs. Okay? Les personnes âgées sont les plus vulnérables parce que la structure de leur vaisseau sanguin change. Il y a ce qu'on appelle calcification au niveau des vaisseaux. C'est lorsque des dépôts qui sont. Il y a le calcium qui se dépose, il y a des dépôts lipidiques qui se déposent. Ça, c'est avec l'âge. Donc, la structure des vaisseaux à l'intérieur, les tuyaux là, qui transportent le sang, oui, ça change vraiment avec l'âge. Oui, ça, c'est vrai. Mais d'une manière générale, c'est toute personne jeune, âgée, qui obtient 6 ou moins. Donc, 2 heures de sommeil, qui n'obtient pas de sommeil suffisant, vous êtes dans le groupe de risque. Vous êtes une femme, un homme. Oui, il y a une tendance, on disait que les femmes, encore dans l'âge de procréer, l'estrogène les protège un peu contre les maladies comme les AVC. Oui, il y a une certaine protection, mais cette protection sera abolie par ces facteurs-là. Si vous ne dormez pas suffisamment, donc le risque est quand même, voilà, ça va surmonter la protection de l'estrogène. Les personnes qui n'obtiennent pas de sommeil suffisant, c'est 7 à 8 heures, en moyenne 8 heures chez l'adulte. Je peux dire 80% des personnes, au moins 3/4 des personnes n'obtiennent pas du sommeil suffisant. Là, je peux dire sans risque de me tromper, au moins dans les villes. Mm-hmm. Ok? Alors, les personnes qui ne font pas d'activité physique, la majorité des personnes ne font pas d'activité physique, que j'ai bien définie. Ce qu'il faut, une fois, deux fois la semaine, c'est pas suffisant. Ok? Il faut régulièrement, chaque jour. Si c'est pas chaque jour, au moins après chaque jour. Combien de temps? Combien d'heures? 20-30 minutes au moins. Au moins. Il faut noter au moins. De préférence, le matin. Alors, maintenant, il y a les personnes qui n'obtiennent pas une alimentation équilibrée, la majorité. Les gens qui se disent qu'ils mangent bien, c'est sur ces personnes-là, alors qu'ils prennent ce qu'on appelle les lagous, les jalets, avec beaucoup de graisse, les frites, beaucoup d'huile. Mais aujourd'hui, vous savez, même le riz, et si vous comparez ce qu'on mangeait avant, il y avait même de l'huile souvent. Voilà. Les aliments, c'était vraiment du naturel. D'accord. Donc, c'était du naturel, mais aujourd'hui, tout est artificiel. Donc, vous comprenez, ce n'est pas vraiment seulement l'âge, mais si ces habitudes de vie ne sont pas contrôlées et que vous développez l'hypertension devient le moteur, devient un facteur de risque vraiment très, très puissant. Vous développez le diabète, un facteur de risque très, très puissant. Alors, vous prenez le tabac, un facteur de risque très puissant. Vous consommez de l'alcool, un facteur de risque très puissant. D'accord. Voilà, c'est les personnes qui sont concernées par ses habitudes de vie. Finalement, environ 3/4 de la population. Docteur, est-ce que cette maladie est-il si grave, très dangereuse, qu'elle peut causer la mort d'une personne? Ouais. Comme je l'ai dit, ça ne sera pas l'AVC lui-même, mais les complications, certaines de ces complications, c'est par ailleurs heureusement réversibles ou contrôlables, qui vont tuer la personne. Par exemple, les troubles de l'obstruction des voies respiratoires, l'inhalation, ça va causer la mort. D'accord. Ouais. Ok, docteur, comment l'AVC est-il traité ici au Burundi en termes de soins médicaux et de réadaptation? Oui, c'est difficile. C'est difficile au Burundi, d'abord du point de vue diagnostique. Mm-hmm. Alors, du point de vue diagnostique, peu vraiment d'hôpitaux. Si nous allons, par exemple, dans le centre du pays, il n'y a qu'un seul hôpital à l'intérieur du pays qui a un scanner. Le traitement en dépend. Et puis, d'une manière générale aussi, les gens arrivent très, très tardivement. Même ceux qui allaient arriver en temps, il n'y a pas les outils de diagnostic. La majorité des hôpitaux à l'intérieur du pays n'ont pas de scanner. Bon, l'AVC n'est pas nécessairement traité par le neurologue, mais quand même, le neurologue va contribuer pour offrir des soins spécialisés. Combien d'hôpitaux? Donc on des médecins spécialistes, des neurologues, cardiologues à l'intérieur du pays, par exemple, problématique. Okay. Voilà. Docteur, si vous regardez dans cet hôpital où vous êtes, combien de cas d'AVC recevez-vous chaque mois ou chaque année dans l'hôpital où vous travaillez? Nous avons fait une conférence sur les AVC. Récemment, c'était le 13 décembre 2024. Alors, nous avons analysé les scanners qui ont été faits entre janvier, début janvier 2024 et décembre, mi-décembre 2024. Alors, si environ 2000 scanners de la tête qui ont été faits à Tanganyika Hospital, là où je travaille, et environ 400, c'était donc un cinquième, c'était des AVC. Ces scanners ont confirmé des AVC. Si on prend seulement les scanners qui ont été réalisés juste dans les urgences, ou bien parce que la personne vient avec un déficit neurologique, un problème d'apparition brutale. Mmh. Là, on va remarquer 80%, ça sera des AVC. Si j'ai 20 patients que je suis en hospitalisation maintenant, qui sont hospitalisés pour le moment, là, au moins 10, 15, si 20, et ça sera des AVC. Et en ce qui concerne la prévention, que pouvons-nous faire pour éviter un AVC? Ah, c'est très bien. Mmh. C'est de contrôler les facteurs de risque. Si je me résume, obtenir du sommeil suffisant, faire de l'exercice physique, même sauter une corde à la maison, dans le cours intérieur, ça suffit. Ok, c'est une alimentation qui est saine, équilibrée. Alors, arrêter le tabac pour ceux qui fument, arrêter ou diminuer la fréquence et la quantité d'alcool, et faire le dépistage des maladies cardiovasculaires comme le diabète, comme l'hypertension, comme les dyslipidémies, ces choses-là. Nous sommes à la fin de cette émission spéciale de la santé et docteur Nestor Nsengiyumba, spécialiste en neurologie. Merci infiniment pour cet éclaircissement. Nous espérons que nos auditeurs en ont appris davantage sur l'AVC, ses risques, sa prévention et l'importance de la réactivité. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, chers auditeurs ou téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, la prévention commence par vous. À très bientôt pour une nouvelle émission de santé. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.